pour tous ceux qui sont dans l'illusion. Ils sont beaucoup de vision. Ils vivent dans la douleur, la frustration, pensant que le meilleur c'est la réputation. Ceux qui ont soif de dépendance pour abréger les souffrances de leur propre entité, celle qui représente l'humanité. Ceux qui comprennent que le mensonge, la trahison ronge de plus en plus ce monde où règne un sentiment d'injustice, de malentendu, des inégalités incomprises, la peur de ne pas être entendu. Je m'adresse à vous tous qui attendent un changement, une autorité extérieure afin de libérer nos tourments. C'est à nous-mêmes de se remettre en question. Pour résoudre tous nos problèmes, il faut une vraie révolution. Celle-ci d'avenir de l'intérieur, savoir se faire confiance, plus besoin de croyance. C'est ça le véritable bonheur. Libérer notre colère, enlever toute résistance, savoir dire merde à toutes nos influences. Prendre conscience de nos litiges et préjugés que l'on s'inflige et nous oblige en permanence à se comparer, se rabaisser et nourrir notre haine envers un système où l'homme est oppressé. La peur au ventre face au temps qui passe, la crainte de vieillir nous hante, comme se trouver dans une impasse, de ne pas s'accomplir, assouvir tous ses désirs, finir seul, ne penser qu'à sa gueule, penser pas le défaut, l'ego. Beaucoup de gens sont faux, comme ces véreux de politiciens ou autres qui ne pensent qu'à leur bien. On est plus en plus possessif, on vieux avide de pouvoir. On aime imposer son savoir, ce qui nous rend tous agressifs. C'est ainsi que des guerres éclatent à cause de notre pigmentation, qu'on soit de gauche ou de droite. Ça nous divise comme les religions. Il faut une vraie révolution, prendre conscience de nos malheurs. Ils sont en nous à l'intérieur, ils se reflètent à l'extérieur. Si on veut une évolution, on doit comprendre nos inquiétudes, changer nos habitudes pour regarder dans la bonne direction. Il faut une vraie révolution, prendre conscience de nos malheurs. Ils sont en nous à l'intérieur, ils se reflètent à l'extérieur. Si on veut une évolution, on doit comprendre nos inquiétudes, changer nos habitudes pour regarder dans la bonne direction. Ouvrir les yeux, sur le monde. On s'en rend compte. N'ayez pas honte. De voir autant de haine. Au sein d'espèces humaines. L'amertume nous consume. On ne récolte que l'on sème. Faut une vraie révolution. Prendre conscience de nos malheurs. Ils sont en nous à l'intérieur. Ils se reflètent à l'extérieur. Si on veut une évolution, on doit comprendre nos inquiétudes, changer nos habitudes pour regarder dans la bonne direction. Il faut une vraie révolution. Mettre de l'or dans nos têtes, faire en sorte que nos confusions s'arrêtent. Changer soi-même est une lourde tâche. Beaucoup sont lâches et préfèrent rester le même. Garder son image, une conception du moi à laquelle on s'attache. À nous d'avoir courage, car on a toujours le choix de transformer notre personnage. Pour le former, il n'y a pas d'âge, simplement avoir la foi. Combattre nos idéaux, ils deviennent nos fardeaux. À vouloir toujours viser haut, on finit comme Berlusconi ou Sarko. Un but de leur personne, ils aiment la victoire, veulent le monopole et s'inscrire dans l'histoire. Le peuple en a marre de se voir manipuler, se faire enculer par tous ces dirigeants plein d'argent. Ils entretiennent le désespoir, beaucoup pètent les plombs, ce qui est normal. Cela entraîne des rébellions parfois assez bestiales. On vient comme du bétail, fonce dans la bataille avec la hargne, sans forcément faire dans le détail. Cette colère qui se manifeste dehors, la peur en est à l'origine, elle nous domine et nous décime. On est les créateurs de cette vermine comme de notre propre mort. Tout est dans le mental, c'est lui, il génère le mal et décide de notre sort. C'est purement psychologique, il faut rester positif dans ses pensées si on veut avancer, cela doit être systématique. Il est maintenant l'heure de faire bouger les choses si on veut vivre des jours meilleurs. Une vraie révolution s'impose. Il faut une vraie révolution, prendre conscience de nos malheurs. Ils sont en nous à l'intérieur, ils se reflètent à l'extérieur. Si on veut une évolution, on doit comprendre nos inquiétudes, changer nos habitudes pour regarder dans la bonne direction. Il faut une vraie révolution, prendre conscience de nos malheurs. Ils sont en nous à l'intérieur, ils se reflètent à l'extérieur. Si on veut une évolution, on doit comprendre nos inquiétudes, changer nos habitudes pour regarder dans la bonne direction. Ouvrir les yeux sur le monde. On s'en rend compte. N'ayez pas honte. De voir autant de haine. Au sein d'espèces humaines. L'amertume nous consume. On ne récolte que ce que l'on sème. Faut une vraie révolution. Prendre conscience de nos malheurs. Ils sont en nous à l'intérieur. Ils se reflètent à l'extérieur. Si on veut une évolution, on doit comprendre nos inquiétudes, changer nos habitudes pour regarder dans la bonne direction. Il faut une vraie révolution.